Bonjour. Aujourd'hui, sur le plateau de Destin de Femmes, nous recevons Sylvie Simon. Mais Sylvie Simon, la femme, pas celle que nous connaissons au niveau des livres, la rebelle au niveau des institutions. Oui, ça vous donne un sourire magnifique. Justement, cette jeune femme rebelle qui a commencé sa vie de petite fille, également un petit peu rebelle. Oui, je crois que j'ai toujours été rebelle. Hein. J'ai toujours été contre des systèmes qui me paraissaient un petit peu abominables. Mais maintenant, les dégâts sont beaucoup plus importants et le processus s'est accéléré terriblement. Et la diffusion est également beaucoup plus grande. Et la diffusion est plus grande. Ça, c'est pas mal. Il y a quand même plus d'informations qu'autrefois. Quoique, au niveau officiel, l'information ne circule pas du tout. Ça, c'est évident. C'est bloqué entièrement. Alors, comment s'est formée cette rébellion dans le cœur d'une petite fille de province ? Je crois que c'était pas... Elle s'est pas formée. Je suis arrivée avec ma rébellion sur terre. Je crois. J'ai toujours refusé d'obéir à des ordres que je trouvais un petit peu ennuyeux, d'écouter des leçons qui me barbaient, d'obéir à un système... Moi, je suis très obéissante. Hein, quand je trouve qu'il faut... en tant que citoyenne, j'obéis à beaucoup de choses. Quand je vois un feu rouge, je brûle jamais un feu rouge, des choses comme ça. Mais quand je trouve que les ordres sont mauvais, j'estime qu'il faut désobéir aux ordres. Ça, c'est une chose très importante quand ils sont donnés par des gens qui sont des incompétents. Donc, depuis toujours, ça... J'ai été fichue à la porte de 4 écoles successives parce que j'ai osé répondre. Je me souviens quand j'avais 7 ans, j'étais dans une école religieuse et la maîtresse nous a enseigné qu'on avait coupé la tête de Marie-Antoinette et c'était très bien. J'ai dit, écoutez, de toute façon, je ne sais pas ce qu'a fait Marie-Antoinette, je connaissais pas l'histoire à l'époque, la pauvre femme, Dieu sait qu'elle ne méritait pas le sort qu'on lui a donné. Et je lui ai dit, de toute façon, tuer un personnage humain, ça n'est pas bien du tout, madame. Et elle m'a dit, mademoiselle, vous vous rasseyez, vous ne l'avez pas porté un jugement. Je lui ai dit, mais madame, c'est pas bien. Et moi, je continue à vous dire que c'est pas bien. J'ai été jetée à les portes de l'école et maman m'a félicité quand même. Ça, c'était déjà pas mal. J'ai quand même une famille un petit peu rebelle tout de même. Donc, je trouvais que je dépassais quand même les bornes. Et puis, ça continue avec l'âge, évidemment. Et ça a été difficile d'obéir au sein de la famille? Ah non, ma famille était très... Moi, j'adorais mes parents. Ils n'étaient pas abominables. Ils étaient très gentils. Ils étaient très compréhensifs. Mais il y avait des choses auxquelles je ne voulais pas me soumettre. Ça venait plutôt de l'extérieur, du reste. Ça venait de professeurs. Il y avait des professeurs que j'adorais, des professeurs que je détestais. Des matières que vous... raison. Et des matières que vous aimiez, d'autres que... Oui, forcément. Qui ne vous intéressaient pas. Exactement. Donc, déjà, vous aviez fait un choix dans votre vie sur ce que vous aviez envie de cultiver en vous. Voilà, oui. Mais remarquez que normalement, il y avait des matières que je n'aimais pas et quand j'ai rencontré de merveilleux professeurs, je me suis mise à les aimer. Donc il y a quand même une question de relation humaine qui joue là-dedans. Mais quand j'avais des professeurs, que je me souviens en première, moi j'étais passionnée de physique, j'étais dans un cours où il y avait des garçons et des filles, et nous étions 5 filles pour 20 garçons, et il a dit, bon, les filles en bas de la classe, parce que la physique c'est pas fait pour les filles. Depuis, on a bien remarqué qu'il y a quand même de très grandes physiciennes femmes. Donc déjà, ça m'a, cette espèce de machisme, déjà, à l'époque, m'a toujours révoltée. Le fait de me dire, même un jour, maman, c'est mon père. Oui, un jour, mon père me disait, oui, ton frère ne fout rien en classe, on va en faire un manuel, comme si c'était du mépris, parce que moi, je trouve que le travail manuel est aussi honnête que le travail, aussi valorisant du reste que le travail intellectuel. Et mon père me dit, oui, tu comprends, qu'est-ce qui va se passer avec ton frère, il veut pas travailler en classe. Depuis, mon frère est devenu un savant extrêmement brillant, ce qui prouve bien que c'est pas parce qu'on travaille pas en classe qu'on n'a pas de résultats très bons. Et je lui dis, mais moi, papa, je travaille bien. Et c'est vrai, j'avais quand même de très bonnes notes. En moyenne, j'avais d'excellentes notes. Et il me dit, oh oui, mais toi, tu es une fille, et mignonne comme tu es pas besoin en plus d'être intelligente. Alors ça m'a révoltée, ça m'a rendue absolument folle. Il croyait me faire un compliment et moi j'ai trouvé que c'était une insulte abominable. À l'époque, la fille était faite pour se marier, avoir des enfants, voilà. Une éducation de l'intérieur. Exactement. Voilà. Mon père a commencé à s'intéresser beaucoup à moi quand j'ai eu 16 ans et qu'on sortait ensemble. Il me disait, oh, tu vois, on me prend pour ton petit copain. Il trouvait ça amusant. Mais sinon, jamais il m'aurait demandé mon opinion par rapport à mon frère. Et c'était pas normal. Et au niveau de vos lectures, vos premières lectures qui vous ont formé? Alors, mes premières lectures, bon, je n'ai jamais lu. Les moi, autorisées, à l'époque, les interdites. On m'offrait la Bibliothèque Rose, je trouvais ça abominable, je trouvais ça ridicule. Il y avait les histoires de Sophie, les malheurs de Sophie, je trouvais que cette fille était complètement idiote, que ses cousines étaient encore plus bêtes qu'elle. Bon, ça, les générations actuelles ne connaissent plus ça. Alors j'ai commencé à lire la Bibliothèque Verte avec des aventures, ça me plaisait beaucoup. Je lisais Jules Verne avec délice. Bon, et puis quand j'ai eu 12 ans, là, j'ai trouvé que Jules Verne et tout, j'étais un petit peu dépassée, et j'ai commencé à demander à maman, je vais avoir 11 ans et demi, 12 ans, qu'est-ce que je peux lire dans la bibliothèque? Et là, elle m'a dit, écoute, tu peux lire tout ce qu'il y a, il y avait beaucoup de romans, excepté ces deux bouquins. Elle m'a montré deux livres en me disant, ces deux, tu peux pas les lire. Alors, j'ai immédiatement pris les deux, évidemment, en me disant, puisque c'est interdit, ça doit être beaucoup plus intéressant. Alors, j'ai vu dans le premier, il y avait les mémoires de Casanova. Alors, j'ai feuilleté, puis j'ai dit, bah, vraiment, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas du tout. J'ai rejeté. Et le deuxième livre était La doctrine secrète de Blavatsky, qui n'était pas du tout écrit pour une petite fille de cet âge-là, évidemment. Et ça m'a tellement passionnée que je me suis dit, c'est cette femme qui a raison, et c'est pas le curé à l'école qui nous enseigne que Dieu, dans son paradis, avec tous les saints à côté de lui et tout ça, c'est pas ça la vérité. Donc, je me suis passionnée pour tout ça, et à ce moment-là, l'ésotérisme m'a beaucoup, beaucoup passionnée, beaucoup intéressée. Et à 12 ans, j'ai lu énormément de livres traitant de ces questions-là. J'ai lu Maurice Bagre, des choses comme ça, des auteurs qui nous enseignaient énormément de choses. Et pour moi, le paranormal était une chose totalement normale. Vous étiez déjà dans un bain de spiritualité. Oui, c'était peut-être pas de la spiritualité déjà, c'était encore secrète. Un grand mot, parce que, mais effectivement, c'était des choses qui me passionnaient beaucoup plus que de lire, je vous dis, des livres pour enfants complètement ridicules, les bandes dessinées, moi j'ai jamais aimé ça non plus, donc je lisais ces livres avec beaucoup de passion, et puis alors j'ai lu avec tous les grands classiques évidemment, je dévorais, je me cachais, et j'étais punie parce qu'au lieu de faire mes devoirs, je lisais, je me cachais dans les arbres pour que mes parents ne me trouvent pas, je lisais avec une lampe électrique, comme on l'a souvent fait tous dans nos lits avec une lampe électrique, parce que c'était passionnant. Donc j'ai toujours adoré la lecture, ça c'est sûr. Et j'ai écrit, je crois, mon premier roman, je devais avoir 17 ans. C'était un roman qui se passait aux États-Unis, que je connaissais pas du tout à l'époque. Je devais avoir 16 ans. Et je lisais ça à mon frère et mon cousin, en lisant chaque chapitre tout le temps. Et puis un jour, j'ai commencé à lire Shakespeare, et je me suis dit, après Shakespeare, on peut plus écrire. J'ai pris tous mes livres, et ça c'est moi, bête comme j'étais à l'époque, j'ai tout brûlé. En disant, on peut pas, ça ne mérite pas de vivre. Et maintenant, je regrette beaucoup parce que j'aimerais bien savoir ce que j'ai pu écrire à 16 ans. Et comment vivait la petite jeune fille entre 12 et 16 ans au niveau de ses copines, au niveau de son quotidien? J'avais des amis, mais j'étais un peu une meneuse. Du reste, j'étais renvoyée plusieurs fois d'école parce qu'on disait à maman, votre fille, non seulement elle a des idées qui ne sont pas celles de tout le monde, mais c'est une meneuse. Vous parliez de vos lectures à vos petites copines? Ah oui, on lisait beaucoup. J'avais des amis qui étaient comme moi, qui lisaient aussi, qui étaient des gens qui réfléchissaient. Et je me souviens que c'était à l'époque de Pétain, vous voyez, ça a été ma première révolte. Il y avait, je ne sais pas, j'en ai parlé à des amis à Paris qui ne connaissaient pas. Il y avait ce qu'on appelait la Ligue de loyauté, qu'on avait dû signer. Il y avait un grand manifeste de Pétain. On voyait la photo de Pétain qui disait « Je fais le don à la France de ma personne ». Et il fallait que les enfants des écoles s'engagent à respecter certaines choses. Et cette ligue de loyauté demandait de dénoncer les petites amies qui avaient des pratiques qui n'étaient pas qui n'étaient pas correctes, c'est-à-dire qui pouvaient copier pendant les cours, qui pouvaient bavarder pendant les cours, celles dont les parents avaient des idées politiques qui étaient séditieuses. Donc, vous voyez, c'était déjà l'incitation à la délation. Oui. Et sur 24 élèves que nous étions 5 à ne pas avoir signé ce manifeste. Inutile de vous dire, on s'est fait mal voir par la direction et par les professeurs. Et j'étais un des leaders de ces 5 en disant, bah, écoutez, on ne peut pas signer ça. Et là, ils avaient tout admis que j'avais raison. Donc, nous étions 5. C'est amusant parce que je n'ai pas oublié les noms de mes petites camarades de l'école, de ces 5-là, et les autres, c'est comme si elles n'avaient pas existé. Donc, et que sont-elles devenues? Pardon? Que sont-elles devenues après? Je ne sais pas, j'en ai perdu beaucoup de vues. Je suis restée amie avec une qui est restée amie. Elle habite maintenant les États-Unis, donc on se voit rarement. Mais effectivement, déjà, vous voyez, j'étais en révolte contre le fait qu'on nous demandait de faire de la délation. Et Dieu sait que ça a marché en France pendant la guerre. Ça a été quelque chose de monstrueux. Et ça m'avait choquée. Or, les autres petites filles, les autres 19 filles, m'ont dit, bon, écoute, c'est pas très grave, elles dénonçaient, enfin, etc. Et comme j'ai eu des moments de réprimande envers ces autres filles, il y en a une à qui j'ai coupé les nattes, une autre à qui j'ai fait des trucs comme ça. J'ai été renvoyée de l'école. Et je me souviens, j'ai été renvoyée parce que j'avais pas voulu signer ça. Et la directrice de l'école, qui devait être une femme bien, moi, à l'époque, j'ai pas beaucoup apprécié, j'appréciais pas vraiment, enfin, je ne savais pas, a dit à maman, en tant que directrice, je suis obligée de renvoyer votre fille, mais en tant que femme, j'agrée absolument à ses idées. Parce que je pense qu'elle devait être dans la résistance ou enfin avoir des idées comme ça. Voilà. Donc, dès le plus jeune âge, j'étais révoltée contre l'injustice et contre le fait de dénoncer des camarades ou de faire des choses comme ça. J'ai toujours trouvé ça abominable. Vous aviez un sens déjà de la justice très pure qu'on pourrait appeler la justesse. Oui, c'est vrai. Maman trouvait que j'étais Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Je disais, ça fait rien, je préfère me battre contre des moulins à vent que pas me battre. Donc déjà, il y avait quand même des injustices. Mais ça n'a aucun rapport, ça n'avait à l'époque aucun rapport avec ce qui se passe maintenant. Évidemment, aucun. Maintenant, c'est une autre injustice que vous combattez. C'est celle de la liberté d'être. Oui, oui. Ah oui, bah, évidemment, maintenant, les choses se sont aggravées. Celle-ci, c'est la plus criminelle. Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas combattue pendant toute ma première vie de femme jeune. J'ai pas combattu. Je trouvais que c'était monstrueux. Moi, j'avais pas été vaccinée parce que ma mère était contre. Je ne voyais pas de médecin parce que j'étais pas malade. Et c'est parce que, alors, on m'a toujours dit, ah oui, mais vous voyez pas de médecin parce que vous étiez pas malade. J'ai toujours répondu, c'est parce que je ne vois pas de médecin que je suis pas malade. Bon, savoir qui avait raison. Mais c'est vrai que les médecins, autrefois, on avait un médecin de famille, on nous a jamais donné de médicaments. Bon, on n'avait pas de maladie grave. Les femmes à l'époque connaissaient mieux les tisanes, elles utilisaient mieux les remèdes lui-même. De grand-mère. C'était alors quand dans il la venait, tradition. Tu voyais que j'ai eu la rougeole, il a dit à un moment, tu la mets au bouillon de légumes, point. Et puis tu l'interdis de manger du chocolat. Et tu vas voir, elle va se guérir très vite, 2 jours. Après, j'allais très bien pouvoir de nouveau manger du chocolat. La diète. Voilà. C'est quelque chose que l'on ne connaît plus. Voilà, exactement. Oui. Tandis que les médecins sont maintenant devenus des marchands de médicaments. On rajoute, médecins. Au lieu de mettre le corps au repos, voilà. De le mettre en diète, on rajoute donne des cochonneries à avaler que le corps mange normalement, on continue à boire son Coca-Cola, c'est hot dog, et puis on rajoute exactement. L'antibiotique. Et là, effectivement, après j'ai écrit justement, bon, j'ai eu une vie compliquée, sans la détailler, et puis j'ai écrit plusieurs livres sur le paranormal, j'ai écrit des romans évidemment, et puis un jour. J'étais dans notre maison à la campagne et j'avais une de mes amies qui est une biologiste qui était venue nous voir et qui nous a raconté des horreurs de ce qui se passe au CNRS et dans tous ces endroits-là en nous disant voilà ce qui se passe. Bon, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de dire ce que je pense, etc. Sinon on est renvoyé. Elle venait d'avoir une émission à la télévision. Elle avait été évidemment, on mettait une telle du CNRS. Et elle a été appelée le lendemain parce qu'elle avait osé dire à un éleveur d'animaux de batterie que c'était infâme d'élever des animaux de batterie. Comme il lui avait dit, mais on coupe le bec. Elle lui dit, vous vous rendez compte, vous coupez le bec des poules. Et ce monsieur lui avait répondu, oui, on leur coupe le bec parce qu'elles sont extrêmement gourmandes et elles sont ravies de manger davantage. Et elle lui dit, mais monsieur, vous qui devez être un bon vivant, je vois vive la taille de votre estomac que vous devez adorer bien bouffer, eh bien, on devrait vous couper la bouche pour que vous vous nourrirez comme les oies, on vous gaverait, vous aimeriez ça. Elle a été le lendemain convoquée au CNRS et on lui a dit, ben voilà, ou bien vous prenez votre retraite anticipée ou vous fermez votre grande gueule. Elle a dit, je fermerai jamais ma grande gueule. Alors on s'est connus à peu près à cette époque, on s'était connus depuis quelques temps à ce moment-là. Et elle est venue un jour passer un séjour chez nous à la campagne. Et mon mari lui dit, mais écoutez, il faut que vous racontiez tout ça. Et elle a dit, non, non, non, moi je ne suis pas écrivain, mais puisque Sylvie écrit, elle le fera à ma place. Et je lui dis, mais moi je ne connais rien à tout ça. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir, tu apprendras et puis je te donnerai tous les tuyaux. En vérité, elle ne m'a donné aucun tuyau. Je l'aime quand même beaucoup toujours, mais elle ne m'a donné aucun tuyau. Mais vraiment, le ciel me les a envoyés sur mon bureau. Parce que je me souviens, quand je suis rentrée à Paris, c'était dans notre maison de campagne, est à l'étranger, je suis revenue à Paris. Et elle m'avait dit, tu verras le docteur Untel pour les vaccinations, il va te donner tous les renseignements, tu peux téléphoner à Greenpeace. J'ai téléphoné à Greenpeace pour l'eau, par exemple, pour savoir quelle était la qualité de l'eau. C'était en 95 à ce moment-là. Et Greenpeace m'a répondu, ça fait 7 ans qu'on fait une enquête sur l'eau, on va avoir les résultats dans 8 jours. Est-ce que vous pouvez attendre 8 jours? Je pensais que c'était vraiment merveilleux pour moi. Et le fameux médecin auquel je devais téléphoner, qui habitait le midi, j'ai téléphoné, sa femme m'a dit, il est en voyage d'affaires, madame, il sera pas là avant 3 semaines. Bon, j'étais un peu chagrinée, et le jour même de mon retour, une amie me téléphone, ne sachant pas du tout que j'avais l'intention d'écrire ce livre, et me dit, tu devrais venir dîner ce soir à la maison, car j'ai invité plusieurs amis, je sais que tu rentrais, ben, je sais que tu viens d'arriver, mais ça me ferait plaisir que tu ne se joignes à nous. Alors j'ai commencé à dire, non, ça me barbe, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai envie de faire mes affaires. Elle me dit, non, non, mais viens, c'était après l'été. Et j'y suis allée quand même, je n'avais pas très envie d'y aller, mais j'y suis allée. Bien m'en a pris, parce qu'à ce moment-là, elle m'a averti, il y aura un tel des gens que je connaissais, elle me dit, puis alors, j'ai un invité surprise que j'ai rencontré ce matin, tu vas voir. Et c'était le médecin après lequel j'avais couru, j'avais essayé de l'avoir. Et alors, c'était très drôle parce qu'il s'est présenté. Je lui dis, comment vous êtes le docteur Untel, je cours après vous. Et vous êtes là et vous connaissez la maîtresse de maison. Il me dit, je l'ai connue ce matin. Et je lui dis, vous venez souvent à Paris? Il me dit, jamais. Et je lui dis, ah bon, parce que vous savez que je voulais vous voir. Il me dit, ne me dites pas que vous êtes surpris, sinon vous allez beaucoup me décevoir. et il m'a donné toutes les informations que je voulais sur les vaccinations déjà, puis après j'en ai eu d'autres. En fait, tout s'est passé comme ça. On m'a donné, les informations sont venues sur mon bureau. Une rebelle sous une bonne étoile. Je crois, oui. Et ça continue. C'est quand même maintenant mon 13e livre sur ce combat. Et chaque fois, là je ne peux pas dévoiler quel sera le prochain livre, parce qu'il y a des méchants loups qui peuvent nous écouter. Et effectivement, je me souviens quand j'ai dit à mon mari, je vais écrire là-dessus, il m'a dit, je parie que dans la journée, tu vas avoir des informations, ça n'a pas raté. Le lendemain, j'avais un avocat anglais qui m'envoyait un email en me disant, je connais un tel qui est une de vos amies, c'est une anglaise qui s'occupe de certains problèmes de santé. Et j'ai pensé que j'aurais peut-être des informations qui vous intéresseraient, c'était sur le sujet sur lequel je vais écrire un bouquin. Et puis j'ai eu un de mes amis qui est biologiste qui m'a téléphoné aussi pour me dire comment vas-tu, je sais que tu viens de rentrer, qu'est-ce que tu deviens. Et je lui ai dit alors tu nous prépares quoi comme livre? Et je lui ai dit, il me dit écoute c'est très drôle parce que nous sommes en train de faire des études sur cette maladie-là, vous voyez. Donc c'est tout le temps comme ça, mais ça c'est un miracle permanent. Donc je me dis que tant que je suis sur cette voie, c'est que c'est celle que je dois se prendre, sinon je ne serais pas tellement aidée par le ciel, les anges gardiens, appelez comme vous voulez, mais sans arrêt j'ai de la chance avec ce combat-là. Mais pour mériter autant de grâce, c'est que vous avez dû composer ce qu'il fallait pour les récolter. À partir de votre jeunesse, donc nous en étions restés à l'adolescence. Oui, c'est possible. La petite rebelle, mais après, à l'âge de 20 ans. Ah, à l'âge de 20 ans, là, comment avez-vous fortifié votre pouvoir d'action? Bon, je crois que c'était un peu inconscient parce que j'ai mené une vie normale. Je suis partie là passer 2 ans en Angleterre, ce qui m'a servi à apprendre l'anglais parfaitement, ce qui est pour moi très important pour mes recherches. Parce que vous savez que les pays anglo-saxons sont très transparents, les pays nordiques sont très transparents. Et en France, c'est l'opacité totale. Quand vous demandez où sont les endroits où on cultive des OGM en France, on ne vous le dit pas. Vous allez en Suisse, en Suède, on vous donne tous les sites, le plan du site, et on vous dit c'est à tel endroit et pas ailleurs, etc. etc. Donc, le fait de parler anglais m'a beaucoup servi dans mon combat. Du reste, je rapporte beaucoup de nouvelles de là-bas, puisqu'en France, il n'y en a pas. Les statistiques sont toujours des statistiques américaines. Les accidents vaccinaux, ça arrive aux États-Unis, mais pas en France. Ce sont les mêmes vaccins. Ça, c'est un peu, on est protégé comme par la ligne Maginot ou comme pour Tchernobyl. Exactement, c'est la même chose. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est quand même très, très. C'est un miracle quotidien, mais moi je pense que du moment que vous êtes dans cette espèce de... Le fait par exemple que je sois partie en Angleterre, c'est une impulsion que j'ai eue, mais c'était quelque part mon inconscient, savait qu'un jour j'aurais besoin, ça m'a servi pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a beaucoup servi. Mais maintenant ça me sert beaucoup plus que jamais, et toute ma famille me dit, tu vois, tu as quand même la chance de parler anglais couramment, parce que ça te permet de faire des travaux que tu ne pourrais pas faire sans ça. Donc vous voyez, je crois que tout a un début, quand enfant vous avez telle ou telle épreuve, c'est pour vous aider à faire c'était quelque chose. C'était sur un coup de tête. Et j'ai eu ça parce que mon père est mort quand j'étais jeune fille, et que je n'ai plus eu d'argent, donc j'étais obligée de partir pour l'Angleterre pour gagner ma vie, parce qu'en France c'était pas très facile, je suis partie comme jeune fille au père, mais si j'avais pas perdu mon père, je n'aurais pas eu ça. Donc je serais peut-être restée une petite bourgeoise idiote ayant épousé le premier homme qu'elle avait rencontré. Et bon, tout le monde a une utilité sur Terre, mais je n'aurais pas mené le combat que je mène. Je pense. Donc tout a un but dès le départ. Oui. À votre retour d'Angleterre? À mon retour d'Angleterre, je me suis mariée, puis j'ai eu 2 enfants, sans péridurale, sans quoi que ce soit, puis j'ai divorcé. Et puis, j'ai trouvé après l'homme de mes rêves que j'avais dessiné quand j'étais une petite fille de 14 ans, me disant, voilà, l'homme que j'épouserai, il s'appellera de ce prénom-là. Parce que j'avais lu Le Prince Eric avec beaucoup de plaisir quand j'avais 8 ans. Il y avait un livre qui s'appelait Le Prince Eric. Oui. Et quand j'ai rencontré mon mari, je l'ai reconnu parce que je l'avais dessiné, il s'appelait Eric. C'était très amusant, enfin, mon mari actuel. Et nous avons eu un enfant aussi. Et je dis toujours, j'ai eu 3 médecins dans ma vie parce que j'ai eu 3 enfants. Je les ai vus le jour de la naissance et le lendemain, je suis partie. J'ai dit au revoir à tout le monde, mes enfants n'ayant pas eu tous les vaccins et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, ça... Bon, et là, j'ai mené une vie... j'ai été antiquaire pendant 25 ans, sans histoire. Mais enfin, je choisissais quand même, par exemple, les objets que j'achetais au pendule, vous voyez. J'avais quand même déjà un parcours. Oui. J'avais quand même ce genre de choses et ce genre de rapport. J'ai eu des transmissions de pensée avec des collègues antiquaires qui étaient assez fabuleuses. La transmission de pensée, ça marche très bien entre moi et certaines personnes. Et il y avait une époque que vous préfériez? Non, à une époque, j'étais spécialiste du 18e, et puis après, je suis allée faire des voyages en Orient. Je trouvais que l'Orient était un pays merveilleux, et je trouvais ça plus amusant d'aller voyager en Orient qu'aller à Albi ou à Nice ou à Lille pour acheter des meubles. Et après, je me suis spécialisée dans les meubles orientaux. Et puis, après, nous avons eu un gros coup dur avec mon mari aussi. On a perdu tout ce qu'on avait. Et là, je me suis dit, bon, mais c'est pas très grave, je pense que je paie des dettes passées, ça y est, j'ai purgé mon karma. Mon mari m'a dit que quand même, je sais pas comment tu fais pour réagir comme ça. Je lui ai dit, écoute, ça sert à rien de pleurer, on a déjà perdu l'argent, on va pas en plus perdre la foi. Donc on a continué, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a proposé d'écrire un livre. Alors là, il savait que je m'amusais, je pratiquais les tarots, hein, depuis souvent, j'ai des dons de voyage, enfin, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas. Mais enfin, peu importe. C'est vrai que je vois parfois des choses. Et comme je lui avais annoncé un tas de trucs, il m'a dit, j'aimerais beaucoup que vous écriviez un livre pour les tarots, sur les tarots pour moi. Et j'ai écrit un livre avec un de mes amis qui était beaucoup plus spécialiste que moi à l'époque. Et nous avons fait c'est un livre qui a très bien marché, qui a dépassé 100 000 exemplaires. Je l'ai écrit avec un voyant qui s'appelle Marcel Picard, qui est assez connu maintenant, et qui a eu des gros ennuis parce qu'on a considéré qu'il était dans une secte. Ce qui n'était évidemment pas vrai quand on connaît cet homme qui était vraiment la bonté même, et qu'il est toujours, du reste, il est toujours resté un de mes très très très bons amis. Et de là, alors, j'ai commencé à mettre le pied dans la littérature. Oui. Et après, j'ai écrit un roman historique sur la vie d'Isabelle d'Este, qui était une princesse de la Renaissance, et qui a eu la chance de rencontrer Léonard de Vinci, Pic de la Mirandole, mais tous les travaux de Pic de la Mirandole, grâce à des scientifiques qui étaient autour d'elle et des gens de la littérature. Et elle a eu une vie extraordinaire pour ça. C'était l'époque où on a créé les premiers tarots, justement, les tarots des Visconti. Vous voyez, il y a eu tout cet enchaînement-là, et c'est une période qui m'a beaucoup séduite. Le livre a très bien marché. Et puis après, on m'a proposé de réécrire un autre livre sur les tarots. Et puis j'ai écrit un autre, après un roman, parce que c'est amusant d'écrire sur plusieurs sujets, justement, chacun reposant de l'autre. Et alors j'ai écrit aussi la vie de Laure Junot, qui était la femme de la duchesse d'Abrantès, qui a laissé des mémoires importantes. Et j'ai écrit ça pour Simone Gallimard. Et puis après, j'ai enchaîné alors sur des livres d'ésotérisme. Nombreux, je n'écris presque que sur l'ésotérisme ou la philosophie ou toutes ces choses-là, jusqu'à ce que je rencontre cette amie du CNRS qui m'a entraînée alors sur la voie de la santé. Et là, j'ai commencé à écrire ce premier livre qui s'appelait La dictature médico-scientifique. Okay, et là, succès. Justement, le livre a été publié par Philippe Aki, et ça s'est passé très très bien, mais le directeur de Match, qui appartenait à Philippe Aki, m'avait dit, je vous ferai le dossier du mois, je vais faire l'apologie de votre livre que je trouve remarquable. Il avait regardé un peu au début, et quand il a reçu le livre, il m'a dit, alors là, non, vous commencez à parler des vaccins, alors là, vous avez bouché le bouchon trop loin, donc je ne ferai pas le dossier sur votre livre. Et il a refusé de parler de mon livre. Alors évidemment, avec mon caractère, je me suis dit, puisqu'il ne veut pas parler des vaccins, ben moi je vais en reparler, et j'ai décidé d'écrire un livre sur les vaccinations. Et j'étais en train d'écrire ce livre, alors que je faisais un jour où je faisais une conférence sur la dictature, qui était le livre précédent, un éditeur, enfin j'ai vu une femme qui assistait à la conférence et qui m'a regardé, et je lui ai dit, vous savez, c'était au moment où les gens viennent faire signer leur livre. Et elle m'a dit, non, je vous attends à la sortie, je veux vous voir, je suis éditeur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me proposer, on ne sait jamais. Et à la fin, je suis allée la voir, enfin on s'est rencontrés, elle m'attendait à la sortie. Et je lui dis, vous savez, j'ai pas le temps d'écrire un livre pour vous parce que je suis en train d'en préparer un. Et elle me dit, ah bon, et vous préparez sur quoi? Je dis, ben, et vous voulez me faire écrire sur quoi? Elle me dit, sur les vaccins. Je lui dis, bon, ben, le livre est à moitié fini. Vous voyez, donc, et c'est là que j'ai continué, alors, de fil en aiguille. Vous savez, chaque fois qu'on écrit un livre sur ces choses-là, on se rend compte que, le lendemain où j'ai terminé mon livre et où je l'ai donné à l'éditeur, on apprend des choses qui ne sont pas dans le livre. Alors ça m'était arrivé pour le livre sur la dictature. Je me souviens que au dernier moment, j'ai reçu un email d'une organisation totalement officielle où j'ai beaucoup d'amis aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le système et qui sont quand même d'accord avec nous, hein, il faut se le dire, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils perdraient leur situation, qui m'a envoyé un email pour me dire que la plupart des cas de polio aux États-Unis étaient tous des polios post-vaccinales. Et le livre était chez l'éditeur. Alors, comme j'avais déjà rajouté 3, au moins 4 ou 5 pages au chapitre, J'ai téléphoné à l'éditeur pour lui dire est-ce que je peux quand même rajouter quelque chose. Ah, il me dit non, c'est terminé, c'est pas possible. Comme je suis têtue comme deux mules, j'ai téléphoné à l'attachée de presse. Je lui ai dit écoutez, pas l'attachée de presse, à la directrice commerciale de la maison. Et j'ai dit écoutez, un tel ne veut pas que j'ajoute, mais on ne peut pas essayer de le forcer. Elle m'a dit écoutez, moi je ne peux rien faire, mais je peux vous donner l'adresse de l'imprimeur. Voyez avec lui où en est le livre. Je téléphone à l'imprimeur qui dit ah, vous êtes Sylvie Simon, j'ai adoré votre livre. Oh là là là là, et qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis bah, écoutez, je voudrais ajouter quelques lignes. Il me dit combien? Et dans quel chapitre? Alors je lui dis dans le chapitre de la polio. Il me dit vous avez 4-5 lignes? Je lui dis oui, exactement. Il me dit 5 lignes, je vous les accorde. Pas plus, parce qu'après, ça ferait passer au truc d'après. Et il a pu m'inclure les 5 lignes. Donc, vous voyez, il fallait que je le fasse. Mais après, il y a eu d'autres choses que j'ai apprises. Je me suis dit, il faut donc écrire un autre livre pour ça. Et de livre en livre, j'en ai publié comme ça. Vous avez fait une belle collection. Voilà. Et entre-temps, tout de même, j'ai eu envie d'écrire encore un roman, parce que de temps en temps, c'est reposant. Vous savez, les microbes, les virus et tout ça, c'est quand même de compagnie un peu fastidieuse. Moi, je vis avec et je les ignore pas, mais je suis très habillée avec les microbes et les virus qui m'attaquent pas, puisqu'on vit en symbiose tous. Mais je trouvais que parler d'amour, c'était quand même quelque chose d'assez amusant. Alors, j'ai écrit à ce moment-là un roman. Mais dans tous mes romans, il y a un peu d'ésotérisme, hein, toujours, automatiquement. Et je choisis des gens qui ont été intéressés par ça, vous voyez. Par exemple, quand j'écris La vie de Laure Junot, quand son mari il a eu un accident qui lui a coûté la vie après, plusieurs années après, quand il a eu l'accident, elle a eu une voyance, elle l'a vue, tout d'un coup, elle s'est mise à crier, et elle était en semi-sommeil, et elle a vu l'accident de son mari. Quand il est mort, elle racontait qu'elle le voyait. Enfin, il y a eu donc ces personnages toujours m'intéressaient parce qu'ils étaient vraiment déjà en parfait accord de pensée avec moi. Et puis il y a eu donc cette femme. J'ai eu l'idée d'écrire donc sur une femme qui a vécu au 19e siècle en Angleterre. J'avais lu un roman qui parlait de femmes d'exception qui étaient parties pour vivre dans les pays du Proche-Orient, justement, et là, en faisait partie. Or, beaucoup d'écrivains modernes ont repris ces femmes-là, et pas celle-là, qui s'appelait Isabel Burton. Et donc, j'ai pris l'histoire de celle-là, et elle a épousé, c'est une femme qui a épousé un explorateur qui avait découvert les sources du Nil, mais qui était aussi un personnage révolté, qui m'a beaucoup, beaucoup séduite comme homme. Et il avait fait des déclarations, justement, à l'Institut Métaphysique de Londres. Donc, il était passionné par tout ça. Tous les deux avaient rêvé. C'est une femme qui, quand elle avait 10 ans, une voyante, une gitane, lui avait raconté sa vie future, lui avait dit « tu épouseras un homme qui portera le nom de ma tribu ». Effectivement, quand elle a rencontré l'homme qui s'appelait Burton et qu'elle était déjà amoureuse de lui parce qu'elle l'avait rencontré, elle ne connaissait pas son nom, elle est tombée des nues en disant « elle a été quand même extraordinaire puisque je vais porter le nom de cet homme ». Enfin bref, et lui avait fait de l'astrologie, vous voyez, donc ils étaient tous les deux, bien que c'était des personnages de la noblesse anglaise, très au courant de tout ça. Ils ont parlé de réincarnation, donc c'est un sujet dans lequel j'étais merveilleusement à l'aise, et c'est un roman que j'écris avec beaucoup, beaucoup d'amour. Il est sorti il y a 2 ans chez Anne Carrière, qu'il avait beaucoup aimé. Bon, il a marché, mais il n'a pas marché fabuleusement, comme nous l'espérions. Et puis, depuis, j'ai sorti un autre roman, qui est un roman sur la réincarnation, qui s'appelle « La mémoire de l'au-delà ». Et ça, j'avais eu l'idée de l'écrire, parce que quand j'ai écrit mon premier livre sur la Renaissance italienne, j'ai une amie qui m'a dit « Écoute, c'est incroyable parce qu'on a l'impression que tu as vécu à cette époque-là, parce que tout ce que tu racontes, on sent que tu l'as vécu. Je pense que tu as eu une incarnation à cette époque-là. » Et ça m'a donné l'idée d'écrire ce roman, qui est l'histoire d'une femme qui, effectivement, achète une maison sur un coup de foudre. Et dans le grenier de cette maison, elle va découvrir le journal d'une femme qui a vécu là 200 ans avant, parce que c'est une maison du 18e siècle, ça se passe en Bretagne, et c'est une fille l'héroïne qui parle à la première personne, dit « je n'ai jamais aimé le pays de mes parents, elle était née dans le Midi, elle a toujours été passionnée par les Nordiques, par les particulièrement la Bretagne ». Et ça se passait en Bretagne, elle a rencontré cette maison, un jour elle allait voir une amie là-bas. Alors c'est un petit peu autobiographique, parce que moi j'ai toujours adoré la Bretagne, alors que je suis née dans le Midi de la France, et que le Midi, c'est pas un truc qui me plaît beaucoup, excepté le fait qu'il fait bon et chaud, mais je me sentais pas dans mon élément. Et donc, elle va donc, après, dans le voulant trier le grenier, elle va trouver un jour, au milieu de vieilles mal oubliées, elle va trouver un journal d'une jeune fille qui a vécu au début du 19e siècle, et des lettres d'amour qui sont dans un petit coffret. Et évidemment, elle les lit par curiosité, et elle se dit, mais c'est là, j'ai le prochain roman, comme elle est romancière, n'est-ce pas? Et elle n'écrit plus parce qu'elle a eu des histoires sentimentales, et son mari était jaloux du fait qu'elle était devenue un écrivain assez connu. Alors, elle avait abandonné sa carrière, et là, elle se dit, je vais recommencer à écrire. Et elle écrit l'histoire de ces personnages, et au fur et à mesure que le roman se déroule, elle va se rendre compte elle ne se rend pas compte, elle le saura qu'à la fin, elle connaît tellement ces personnages qu'elle saura un jour qu'elle a vécu dans cette maison, c'est pour ça qu'elle a aimé cette maison et qu'elle a été ce personnage-là. Et sans arrêt, elle se dit, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est mon héroïne? Et elle croit au départ que c'est parce qu'elle s'est tellement impliquée dans cette histoire qu'elle arrive à ressentir le ressenti de ces deux personnages. Et elle va rencontrer à ce moment-là un autre homme qui est la réincarnation d'un des personnages dont elle raconte l'histoire, et elle va être mise devant le même choix qu'elle n'a pas fait dans sa première incarnation passée, et elle sait qu'elle est revenue sur Terre pour essayer de liquider ce problème, et c'est comme ça que ça va se terminer. Donc moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à écrire ce roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Elfée. Mais c'est l'histoire encore d'une femme qui est rebelle. Rebelle, très féminine. Oui. Donc, Chaque fois, oui, je ne vais pas prendre la femme bénie, oui, qui tricote à côté de son mari, qui là-bas et qui dit merci beaucoup, et analyser ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut trouver quand même des gens qui ont une certaine personnalité qui vous correspondent. Je pense que tous les auteurs, il y a un rapport entre le héros décrit par un auteur, et moi, je n'aurais pas pu écrire, par exemple, la vie d'un criminel, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas que il y a des gens qui peuvent le faire, mais moi j'en serais incapable. Je ne peux écrire que des romans où je me sens tout à fait à l'aise et où j'aurais été à la place du héros ou de l'héroïne, j'aurais agi comme eux, vous voyez. Et le scénario se met en place très facilement, mais est-ce que vous n'avez pas été aidée par votre petite période où vous étiez comédienne? Non, pas pour ça. Pas pour ça. Le fait d'être comédienne m'aide pas à faire des conférences. Oui. Ça m'a appris à parler en public, à être à l'aise, alors que j'étais une petite fille très timide, par contre. Et ça, j'avais pris des cours de comédie à l'époque avec Tania Balachova, qui était un très bon professeur. Mmh. Et ça se passait très bien. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait des choses comme ça, mais je n'ai pas fait une carrière remarquable. Et vous préfériez quoi comme rôle? Moi, je voulais jouer les grands drames. Et Tania me disait, quand on est drôle comme toi, parce qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'étais très drôle, paraît-il, elle me dit, écoute, t'as un tempérament comique, comment peux-tu vouloir jouer les grandes tragédiennes? Tu n'es pas une tragédienne, tu es une comique. Et ça m'agaçait, parce que moi, je rêvais de jouer les grands rôles d'Anouilh, enfin, toutes ces choses-là. Puis, finalement, je n'étais pas faite pour ce métier-là du tout. Mais ça m'a aidée aussi, de nouveau. Ça m'a permis de prendre des cours de comédie qui m'ont permis, après, d'être à l'aise en comédie. Combien de temps êtes-vous restée dans la comédie? Aux 4-5 ans, mais j'ai pas beaucoup joué, mais par contre, j'ai fait beaucoup de photos vous savez, des photos publicitaires, des photos de chapeaux, des photos je présentais des chandails, des collections, j'ai présenté des voitures, côté pour Renault, pour Peugeot, enfin, des trucs comme ça. J'étais très payé, c'était bien payé, c'était amusant, mais enfin, c'était pas mon métier, quoi. J'étais pas faite pour ça, la preuve. Mais de temps en temps, vous revenez à cette légèreté avec vos romans. Vous quittez la dureté de toute cette vie difficile niveau de la médecine, parce que parler de la santé, des grands méchants loups que représentent les laboratoires, parler de tous les gens qui ont des cas absolument pathétiques de maladies données par des vies absolument monstrueuses qu'on leur fait mener contre leur volonté, du reste, tout ça, je le fais parce que c'est un combat intéressant. Mais c'est pas détendant, vous savez, souvent le soir je me couche quand j'apprends des histoires abominables, c'est pas gai, tandis que quand on écrit un roman d'amour, le soir je me couche en me disant, voyons, qu'est-ce qu'ils vont faire demain, et souvent j'ai des amis qui me téléphonent et me disent, alors, est-ce que tu sais comment tu vas terminer ton livre? Je dis, je sais pas encore, ça va dépendre du rendez-vous qu'ils auront demain, et je me mets dans la peau du personnage, c'est extrêmement amusant ça. Ça c'est peut-être le côté théâtre que j'aime bien. Et comment avez-vous géré votre vie de famille, Moi, l'éducation des enfants? J'ai élevé trois enfants, correctement, je crois. Je me suis beaucoup occupée d'eux quand j'étais. Et comme j'ai beaucoup d'activités, que je suis en pleine forme, j'arrivais à déposer mes enfants en classe. Nous habitions en banlieue. Je les déposais en classe, puis je partais pour Paris travailler. Puis je revenais le soir, je les reprenais. Ils mangeaient à la cantine. Et le samedi et dimanche, j'étais avec mes enfants. Je pense qu'on peut mener les deux vies très, très bien. Vie active, maintenant, c'est bien parce qu'ils sont grands. Vie de femme. Je n'ai plus à m'en occuper. Donc, quand je pars faire des conférences ou n'importe quoi, je suis totalement indépendante des livres. C'est très bien. Bon, mon mari trouve de temps en temps qu'il ne me voit pas beaucoup. Je le comprends un peu. Mais quand même, il respecte. Il me dit, je reconnais que ton combat est très honorable. Bon, enfin, moi, je trouve que tu pourrais venir me voir plus souvent. Ouais. Et il habite loin ? Il habite au Portugal. Un pays chaud. France, parce qu'il m'a dit, c'est un pays où le mensonge règne partout. Et je ne peux pas vivre dans un pays qui n'est pas un pays vrai. Et vous, vous restez ici justement pour débusquer le mensonge. Pour débusquer le mensonge. Voilà, et je fais aussi là-bas, hein, parce que là-bas aussi j'ai des activités, j'essaie de bouger un petit peu les gens, parce que c'est pareil, les laboratoires vaccinent maintenant, on fait vacciner les bébés à la naissance. On vaccine le bébé qui arrive sur Terre, on l'attend avec la seringue, à un jour, on lui fait le BCG et l'hépatite B au Portugal. Le premier jour de sa naissance, vous voyez quand l'enfant arrive, et alors en plus c'est ça qui est terrible, c'est que on donne à ses enfants... un choc extrêmement fort avec deux virus qu'on met en même temps. Alors que si l'enfant doit affronter la maladie, il n'affrontera qu'un virus à la fois. Alors que là, on injecte deux dans le corps, quand c'est pas trois ou quatre ou cinq. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, on a donné cinq vaccins dans la première semaine de sa vie à mon bébé. D'autant que l'enfant est protégé par l'allaitement les premières semaines. Alors, normalement, il est protégé par l'allaitement. D'abord, il y a très peu de femmes qui allaitent leurs enfants maintenant. Il y en a de plus en plus, heureusement. Ça revient. Je pensais qu'il y avait une campagne, justement, pour remettre l'allaitement maternel. Mais c'est très récent, ça. Donc, il y a 5 ans, il n'y avait pas d'allaitement maternel. Maintenant, ça revient peu à peu. Donc, l'enfant est protégé par sa mère, mais de la même façon, comme la mère est terriblement vaccinée, elle n'a plus sa protection, son immunité naturelle qu'elle avait acquise en ayant les maladies de l'enfance. Sauf qu'elle arrive vaccinée en deuxième génération, ou troisième. Exactement. Donc, ça n'est plus la même protection que quand moi, j'étais petite fille, où ma mère m'a protégée de tout en m'allaitant au lait maternel, évidemment, pendant des années, pendant des mois en tout cas. Ça, c'est évident. Donc, un enfant pas allaité, vacciné tout de suite, c'est ce qui crée les nouvelles maladies. Certainement, eh bien, de tous ces petits qui ont du mal à s'intégrer dans la société et à respecter les règles de la société. Bon, il est évident que de toute façon, on n'a jamais vu autant de cancers chez les enfants, autant de leucémie chez les enfants, d'asthme chez les enfants, c'est devenu normal. Les enfants se baladent avec leurs produits, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, moi j'ai tellement de mépris pour tous ces médicaments que j'oublie leur nom, et de la ventoline ou des choses comme ça, exactement. Donc, ils arrivent en classe et la ventoline est une chose normale à l'école. On amène ça. Moi, je sais pas, moi, toute mon enfance, j'ai jamais connu un enfant qui avait de l'asthme. J'ai jamais connu un enfant qui avait des allergies. Et j'ai entendu parler d'une petite fille, par oui dire à l'époque, qui avait une allergie aux fraises, mais on la considérait comme anormale. Maintenant, les enfants ont des allergies à tout. Le pollen, les moustiques, les poils de chat, les fraises, le poisson, le gluten, le machin, tout. Ça n'est pas normal, tout ça. Il y a aussi, maintenant, de l'arthrite juvénile, qu'on n'avait jamais vu chez les bébés. Il y a des bébés avec de l'arthrite juvénile et des petits-enfants. Il y a des quantités d'enfants qui ont... Alors, l'asthme, évidemment. L'autisme est devenu extrêmement envahissant maintenant. Nous avons... aux États-Unis, alors en France, on ne sait pas quelle est la quantité, toujours grâce à l'opacité française. Vous voyez, une omerta là-dessus est terrible. Aux États-Unis et en Angleterre, l'autisme s'est multiplié par 12 depuis 10 ans. Donc, on nous a dit en 1999 à peu près, quand on a vu que l'autisme s'était déjà multiplié par 5, on a dit oui, mais c'est parce qu'autrefois, on ne savait pas le déceler. Mais depuis 2000, on sait le déceler. Et depuis 2000, ça a augmenté encore de 5%. Ce qui fait... Et il y a une vaccination qui est arrivée en plus Oui, il y a eu beaucoup de vaccinations, mais enfin, moi, je pense que ça a un rapport avec le ROR. Bon, il y a quand même, il n'y a pas que moi, enfin moi je le pense, parce que j'ai lu des quantités de publications à ce sujet-là. Hein. Oui. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est officiel. Ce vaccin est fait pour supprimer en fait des maladies qui permettent à l'enfant de grandir. Exactement. C'est ça qui est catastrophique. Donc l'enfant ne peut pas grandir en tant qu'être, et il ne peut pas grandir non plus sur le plan social. Non plus. Donc, c'est pour ça qu'on fait des... On le coupe de partout. Voilà, on fait des enfants asociaux. C'est un enfant castré de partout. Exactement. Alors, il y en a beaucoup qui ont du diabète aussi. Le diabète a pris une extension folle chez les enfants. On ne connaissait pas d'enfants avec du diabète. Moi, je ne sais pas, je n'en ai jamais rencontré quand j'étais petite fille. Et mes enfants n'ont pas eu d'amis qui avaient du diabète. Or, maintenant, le diabète chez les enfants est courant. courant. Et on ne s'inquiète pas. Alors, on a troqué. C'est vrai qu'il y a moins de rougeole, moins de ces maladies-là. Vous savez qu'il y a eu des quantités d'études qui ont prouvé que la rougeole protégeait des allergies. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait autant d'enfants. Le virus de la rougeole, mais pas le vaccin de la rougeole. Vous voyez, c'est toujours pareil. Alors, on vous dit, mais c'est la même chose. Pas du tout. Et de toute façon, on le dit toujours, vous comprenez, il y a quelques risques. Mais il faut prendre, le risque est inférieur au bénéfice, ce qui est toujours faux. Ça, on affirme n'importe quoi, parce que la plupart des experts sont toujours des gens qui appartiennent au laboratoire. Comment voulez-vous être juge et parti? Ça n'est pas possible. Donc, on nous dit effectivement, le pourcentage est quand même valable, et il faut bien qu'il y ait quand même quelques personnes, vous voyez, quelques personnes qui trinquent. Alors, moi, je trouve que le risque, le bénéfice-risque est un truc intéressant pour des gens qui ont une grave maladie, et qu'on leur dit, voilà, si on vous opère, vous avez 30 chances sur 100, 30% de chances d'y passer, mais si on vous opère pas, vous y passez à tous les coups. Donc, je comprends qu'on prenne le risque. Mais là, on introduit des virus, des bactéries, et des quantités de métaux lourds et des cochonneries, du formaldéhyde quand même qui n'est pas... Oui. Et de l'aluminium évidemment, mais j'en ai parlé dernièrement à un médecin qui m'a dit non, l'aluminium on sait que ça ne donne pas la maladie d'Alzheimer, c'est encore... Tous les travaux prouvent que ça n'est pas vrai. Voilà. Alors bon, ben, moi je ne discute pas avec des gens comme ça parce qu'ils savent mieux que tout le monde. Donc on met tout ça dans un organisme qui est sain, qui a beaucoup de chances de ne jamais rencontrer ces maladies et qui a encore plus de chances, même s'il les rencontre, d'y échapper. Alors que si, effectivement, ces gens risquaient la maladie, c'est que leur système immunitaire serait en mauvais état. Donc si vous avez un système immunitaire en mauvais état, ça n'est absolument pas la peine de vous vacciner parce que le vaccin va vous faire la même chose que la maladie et risque de vous tuer. En plus. Mais ça, c'est trop simple, vous comprenez, c'est pas scientifique comme discours. Donc, quand on voit ça, on se dit, bon, ben, il n'y a plus rien à faire. Donc, le tout, c'est de prendre son bâton de pèlerin, de prévenir les gens. Et une fois que les gens sont prévenus, moi, ça me gêne pas. Quand on me dit, ah ben, écoutez, moi, je vous ai entendu, moi, je fais quand même vacciner mes enfants. Je dis, ben, vous avez raison, si c'est votre envie, c'est votre responsabilité, c'est pas moi qui veux vous l'interdire, je suis trop pour la liberté. Et qu'on oblige des enfants qui n'y sont pour rien, comme on l'a fait pour l'hépatite B, et que maintenant, on sait qu'il y a une quantité d'accidents et que on sait que les scléroses en plaques, par exemple, qui sont iatrogènes, mais enfin qui viennent du vaccin, il y en a largement 30 000 en France. Bon, le gouvernement en a reconnu, je crois, 1200, sur lesquels on a indemnisé 80 ou 100. Certaines polyarthrites rhumatoïdes aussi. Bon, c'est complètement ridicule. On a imposé ça aux enfants et maintenant, on leur fait l'ROR, qui est contre des maladies qui sont absolument bénignes. Alors on nous dit la rougeole est une maladie grave qui tue des enfants. Et on mélange les chiffres, toujours, du tiers-monde et de la France. Et dans le tiers-monde, on ne meurt pas de la rougeole. Évidemment, on meurt de la rougeole, si vous voulez. C'est uniquement l'explosif, mais on meurt de manque de nutrition, de manque de vitamines, de manque d'hygiène, etc. Donc on ne meurt pas de la rougeole. En France, ça n'est pas vrai. Mais on continue et de à parasites vous aussi, ils ont. Pardon. Ils ont des parasites. Oui. Et alors il y a aussi, alors on voit vacciner contre la rougeole, contre la rubéole, qui n'intéresse que la femme enceinte. Donc pour enlever le virus, on vaccine même les garçons contre la rubéole, alors qu'il n'y a aucun danger. On vaccine les filles contre les oreillons parce que ça peut rendre quelques garçons stériles. Donc, vous voyez, on est dans un système complètement aberrant. Dans une psychose de la maladie, du microbe. Mais vous savez très bien que les dictatures ne peuvent vivre que par la peur. Donc, on fait peur aux gens. Là, on fait peur. On vous parle, par exemple, on dit ça pour les vaccinations contre la grippe. Vous savez, la grippe vous tue. J'entendais. Moi, j'écoute beaucoup la radio. Quand j'écris, j'aime bien avoir de la musique classique. Donc, j'écoute Radio Classique. Eh bien, Radio Classique, toute cette semaine, et la semaine précédente, s'arrêtait tous les quarts d'heure pour vous expliquer que la grippe est une maladie très grave, qui peut être très grave, et qui prend des semaines à être guérie. La grippe, enfin c'est d'abord, la plupart des gens qui vous disent « j'ai la grippe », ils ont un rhume, ils ont un refroidissement, ça n'est pas la grippe. Et donc, on fait vacciner tout le monde contre la grippe. Et vous savez qu'il y a eu comme ça des accidents en Israël, et notre ministère de la Santé, d'abord, a envoyé immédiatement une expertise express. Là-bas, on a décidé de... Bon, les Israéliens ont commencé à demander une expertise. Et les laboratoires, le laboratoire Sanofi qui fabrique le vaccin, a dit qu'il allait envoyer des experts. Les experts n'avaient pas encore quitté Paris, que le ministre de la Santé israélien, évidemment sous certaines influences, a décidé que le vaccin n'avait aucun rapport avec les accidents. et notre ministre de la Santé qui avait dit attention, on va un peu se calmer pendant 24 heures. 48 heures. Après, c'est toujours 48 heures qu'il faut. C'est un bon délai pour faire une expertise à 3000 km de là, sans envoyer d'experts sur place. A décidé qu'il n'y avait aucun rapport, parce que les gens qui étaient morts étaient des gens âgés. Étant donné qu'on cible sur les gens âgés et fragiles, il est évident que ceux qui sont morts étaient des gens âgés. Bon, ensuite il dit... alors, j'ai analysé ce qu'il a dit, c'est vraiment aberrant. Et puis, ils avaient été vaccinés l'année d'avant, l'année précédente, sans accident. Alors, notre ministre de la Santé n'a jamais entendu parler de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, déjà, ça, il ne sait pas. Bon. Troisièmement, il a dit, et de toute façon, ça n'est jamais arrivé en France. Or, en France, en 2004, il y a eu 17 personnes qui ont été touchées par la grippe, dont 9 sont mortes. Et le directeur de la DAS a dit, à cet âge-là, le vaccin n'est pas très efficace. Bon, je suis ravie de voir qu'il a déclaré que ce n'était pas efficace. On se demande pourquoi on fait ses campagnes, alors. Bon. Et puis, notre ministre de la Santé, qui doit avoir... Moi, je trouve qu'on devrait inventer un vaccin pour la mémoire des hommes politiques, parce que ça, ils n'en ont aucune. Il a oublié qu'en 2005, comme ça, il y a eu aussi 13 personnes qui sont toutes décédées de la grippe dans une maison de retraite à côté de Nancy. Toutes avaient été vaccinées juste avant. Ils étaient vaccinés contre la grippe et sont morts de la grippe. Il est évident que c'est le vaccin qui les a tués. Normalement, 13 personnes qui meurent à la fois, à la même époque, dans une maison de retraite, ça devrait soulever une enquête policière énorme. On l'a écrasé. Il y en a eu dans les journaux, on en a parlé, puis on a dit, oui, mais il y en a qui sont morts, oui, mais il y en a qui étaient âgés. Évidemment, ils étaient âgés, c'est dans une maison de retraite. Mais qui meurent tous dans les 15 jours qui suivent la vaccination, il y a quand même quelque chose qui n'a pas. Ensuite, il a dit, et du reste, ça ne s'est pas nos produits ni en France, ni en Europe. Alors, il a oublié qu'en 1999, dans une clinique à Zurich, dans une maison de retraite aussi, il y a eu 31 morts, là, carrément, à la file, par la grippe. Tous étaient vaccinés à l'automne et ça s'est passé aux environs de Noël. Ça, il a oublié aussi. Par contre, il y a eu une femme qui est morte après avoir été vaccinée contre la grippe en Angleterre au printemps dernier, et le gouvernement anglais a reconnu que c'était le vaccin qui l'avait tuée. Mais ça, il faut être un anglo-saxon pour ça. En France, on ne sait pas. Alors, après, notre ministre a dit, et de toute façon, même s'il y a eu ces accidents-là, ça ne remet pas en cause les bienfaits du vaccin. Alors là, de nouveau, je pense que notre ministre, ou bien ne sait pas lire, ou bien il n'a pas le temps, ou alors il a une mémoire très très très très courte. Alors lui, il doit avoir aussi un Alzheimer, parce que s'il était au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, il y a eu, comme ça, une enquête qui a été faite, qui s'appelait le projet Cochrane. C'est une chose internationale, qui a étudié des cas, tous les cas de grippe depuis 37 ans. Donc c'est quand même important comme publication. Ça compte, tous les pays ont participé. Et là, les publications après le congrès et après toutes ces études, il y a eu 160 000 personnes étudiées, 160 000 enfants dont on a étudié le statut, il y a eu 60 000 adultes et il y a eu je ne sais plus combien d'études sur les gens âgés. Alors, le projet a décrété, enfin les conclusions de cette étude sont que pour les bébés, le vaccin et les enfants, le vaccin n'assure aucune protection. Donc je ne vois pas pourquoi on les vaccine aussi. À la sortie maintenant, c'est dans le programme vaccinal du carnet de vaccination. Pour les adultes, ça peut protéger 6% de la population en parfaite santé. Donc puisqu'ils sont en parfaite santé, la grippe, je ne vois pas l'intérêt de vacciner. D'autant qu'il y a eu des quantités de publications aussi qui ont dit que la grippe n'avait jamais empêché certaines personnes d'aller travailler malgré tout. Il ne faut pas dire que c'est toujours un arrêt de travail qui coûte cher à la communauté. 6%, ce n'est pas grave. Par contre, par rapport aux morts, c'est important. Quant aux gens âgés, aucune preuve n'a été trouvée que le vaccin avait une quelconque efficacité. De même, il y a une étude qui a été faite dans l'Ontario. Il y a eu 12 millions de personnes qui ont été vaccinées, là c'est quand même beaucoup. Et sur 12 millions, on pensait que ça allait réduire l'incidence de la létalité par la grippe d'au moins 40% parce qu'il y a, par rapport à ce qu'il y avait comme protection avant. Ça n'a pas changé d'un iota les statistiques. Donc ça n'a servi à rien et tous les journaux canadiens et américains ont dit que effectivement ce vaccin qui avait coûté 200 millions de dollars n'avait servi strictement à rien. Mais notre ministre n'est pas au courant. Et on continue à faire la publicité pour la grippe, qui ne coûte rien, mais qui vous coûte à vous et à moi et à nous tous des sommes énormes. Parce que quand on vous dit que le vaccin est gratuit, oui. J'ai jamais vu que les laboratoires étaient des bienfaiteurs de l'humanité et pouvaient fournir des vaccins gratuits. Donc tout ça, c'est absolument faux. Donc on est dans un bourrage de crâne total. Mais ils ont raison, puisque les gens les écoutent. Les gens se précipitent pour aller se faire vacciner. Il y en a des quantités. La peur. la peur. Voilà, et ils ne voient pas le rapport. Ils ne font pas le rapprochement. Moi, j'ai un de mes amis qui a rencontré, qui m'a raconté qu'il a vu, il a rencontré l'année dernière un de ses amis qui lui dit « Oh, tu sais, maman vient de mourir. » Alors, il lui dit « Ah bon, elle est morte de quoi ?» Ben, écoute, je ne sais pas. Et je suis d'autant plus étonnée que le médecin qui l'a vu la semaine dernière l'a trouvé en parfaite forme. Il lui dit « Si elle est en parfaite forme, pourquoi a-t-elle vu le médecin ?» Et il lui répond, le médecin est venu la voir pour la vacciner. Ah bon, et on l'a vaccinée contre quoi? Contre la grippe. Et elle est morte quand? Ben écoute, je ne sais pas, mais 2 jours après, moi, comme je n'avais pas de nouvelles de maman, je suis allée la voir dans l'appartement et je l'ai trouvée morte derrière la porte. Elle était morte depuis un jour. Elle a dû mourir le lendemain de la vaccination. Et il lui dit, et tu penses que c'est pas le vaccin? Oh, ben tu sais, maman avait 84 ans. Il lui dit, ben alors, c'est pas une raison pour mourir, elle était en pleine forme. Mais oui, puisque le médecin l'a trouvée en pleine forme. Et tu fais pas le rapprochement? Oh ben non, alors, oh ben écoute, là quand même, oh ben non, il n'y a pas de raison. Voilà. Intoxication. C'est l'intoxication. Intoxication, oui. Ça se passe tout le temps. Et cette même personne qui s'occupe de la Ligue pour la Liberté de Vaccination, donc il est bien placé pour le savoir parce qu'on lui téléphone beaucoup, a aussi rencontré un de ses amis qui lui a dit « Mon fils vient de mourir après l'hépatite B. Il est mort d'une tumeur du tronc cérébral. » Et il s'est reconnu que c'est à cause de la vaccination. Il dit « Tu vas porter plainte. » Oh, ben non, écoute, c'est pas parce que notre enfant s'est sacrifié pour le bien de l'humanité, nous en sommes fiers. Le petit garçon avait 11 ans. Je ne sais pas si lui était tellement fier d'être mort à 11 ans alors qu'il était en pleine forme parce qu'on l'avait vacciné contre l'hépatite B. Mais comment se sentent les médecins après avoir fait serment sur les textes d'Hippocrate lorsqu'ils vaccinent? Mais ils ne sont pas au courant de tout ça. Vous savez que moi j'ai fait des conférences, quand j'ai écrit mon premier bouquin sur les vaccins, je l'ai écrit pour la mère de famille qui va faire vacciner son enfant pour la prévenir. Ce sont des médecins qui m'ont écrit et qui m'ont dit merci madame de dire tout haut ce que nous pensons tout bas. Mais nous n'avons pas le droit de l'exprimer, c'est encore la même chose. Et par contre, j'ai rencontré des quantités de médecins qui ne savent même pas ce qu'il y a dans les vaccins. Et un jour j'entendais une interview du directeur de Pasteur, c'est au moment où il y a eu les premières attaques terroristes et on avait parlé de reprendre la vaccination contre la variole. Et j'entends l'interview du directeur de Pasteur et on lui dit « Mais savez-vous ce qu'il y a dans les vaccins ?» Et le directeur de Pasteur dit « Écoutez, je vous avoue que je l'ignore. » Non, mais là, quand même, il charrie un tout petit peu. Et quelques jours après, je dîne avec un de mes amis qui est un chercheur et qui est un biologiste de très, très grande envergure et qui est totalement d'accord avec moi pour toutes ces choses-là. Et j'ai dit, tu sais que dernièrement, j'entends encore ton directeur en train de dire qu'il ne savait pas ce qu'il y a dans les vaccins. Il préfère passer pour un imbécile plutôt que de dire la vérité. Il me dit, tu te trompes. Tu te trompes absolument. Il ne le sait pas. Écoute, ne me dis pas que le directeur de Pasteur ne sait pas ce qu'il y a dans les vaccins. Il me dit non, je t'assure que non. Je suis sûr qu'il n'est pas menteur. Il n'en sait rien. Donc vous voyez à quel point on est dirigé. C'est encore plus grave que l'on par peut des penser. Gens qui ne le savent pas. Et alors, pour vous montrer, c'est pour ça que je dis toujours dans mes conférences, n'écoutez pas quelqu'un sous prétexte qu'il a une blouse blanche. Il ne faut pas que ça vous impressionne. Je me suis trouvée dans une conférence où il y avait la partie adverse. Et qui était interviewé. Enfin, c'était une conférence avec les deux opinions, les pro-vaccinaux et non. Moi, j'étais évidemment du côté des non. Et il y avait un médecin qui est la grande spécialiste de la fièvre jaune en France, donc la plus compétente pour parler de fièvre jaune. J'étais avec un de mes amis qui est un biologiste, professeur de biologie, et puis il y avait un médecin avec elle. Alors, le médecin a fait une déclaration complètement ridicule pour nous dire que les vaccinations avaient fait passer toutes les maladies. Bon, on l'a écouté sans rien dire. Et puis elle a dit, bon, mais est-ce que maintenant je peux parler? Et ces deux ostrogos ne savaient pas que c'est toujours le dernier qui parle qui a raison. Ils ont demandé d'avoir la parole en premier. Nous, on l'a leur donné très volontiers. Et puis, cette femme dit, voilà, moi je vais vous expliquer. Les vaccins ont un impact sur la vie entière de la planète. La preuve, je vais vous donner une preuve. Le canal de Panama, s'il n'y avait pas eu les vaccins, n'aurait jamais existé. On se regarde avec mon copain, je dis, on rêve ou quoi? Et elle dit, le canal de Panama a commencé à être construit et les ouvriers mouraient de la fièvre jaune comme des mouches. Et heureusement, on ne pouvait pas le construire parce que sans arrêt, ils mouraient. Et le vaccin est arrivé, on les a tous vaccinés et grâce à ça, on a pu construire le canal de Panama. Alors, il y avait un journaliste qui servait de médiateur, il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il se trouve que le canal de Panama a été inauguré en 1914. Et la première isolation du virus, c'est 1927. Et le premier vaccin, c'est 1931. Alors, le journaliste se dit, mais vous portez une grave accusation contre le docteur Untel. Je lui dis, mais c'est pas une grave accusation. Elle a qu'à ouvrir le Larousse et elle verra l'inauguration et le vaccin. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en déduisez? Je lui dis, j'en déduis que ça doit être le premier vaccin à effet rétroactif. Toute la salle s'est marrée. Elle était folle de rage et elle a dit, je ne suis pas venue, j'ai été attirée dans un chausse-trappe. Elle savait que ce serait contradictoire. Moi, je savais qu'elle serait contre nous. Moi, elle ne m'a pas fait peur. Mais elle ne savait pas du tout qu'elle allait trouver des gens qui étaient plus forts qu'elle. Enfin, ce n'est pas être fort, c'est plus informé. On le sait, mais elle ne le savait pas. Non, mais c'est très grave, parce que cette femme qui fait des conférences, il paraît, la personne qui m'avait invitée m'a dit, savez-vous que ça fait 20 ans qu'elle fait la même conférence en parlant toujours du canal de Panama? Croyez-moi, à partir de maintenant, elle ne parlera plus du canal de Panama. Je l'ai fait complètement dérailler. Pour vous montrer combien ces gens qui ont un pouvoir sur la santé des individus, auxquels tout le monde fait référence, on se dit quand même, Madame Untel, qui est la plus grande spécialiste en France de la fièvre jaune, elle ne sait pas quand le vaccin a été créé. C'est quand même très grave. Donc, ils ne savent rien. Et je dis toujours aux gens qui m'écoutent, n'ayez pas confiance, il y a des médecins de grande qualité, il y en a, ce sont particulièrement ceux qui ont des ennuis justement. Mais les autres, ne soyez pas impressionnés quand ils vous affirment n'importe quoi, parce qu'on se rend compte que ça n'est pas utile. C'est pas, moi je ne veux pas encore parler de moi, mais pour vous montrer aussi, un jour j'ai été confrontée à un monsieur qui s'appelle le professeur Saliou, et qui était invité à Radio Bleu pour parler des vaccinations. Il venait d'écrire un livre qui s'appelle « Les vaccins sentinelles de la santé ». Et moi, je venais d'écrire les 10 plus gros mensonges sur les vaccins. Évidemment, ce n'était pas tout à fait le même combat, donc c'était contradictoire. Et il m'a reçu, enfin moi, on est arrivé un peu avant, monsieur très bien, Rosette, il m'a salué, bonjour madame, il avait appris que j'étais une petite journaliste, bon, donc c'était pas grave, je vais en faire deux bouchées. Et il a demandé aussi à parler le premier. Ils sont drôles, ils veulent toujours parler les premiers, vous voyez. Moi, je dis volontiers, moi, ça ne me dérange pas du tout. Il a commencé à prendre la parole et il a dit, voilà. Alors, je vais vous expliquer, les vaccins, effectivement, ça sauve l'humanité. Alors, je prends un exemple. Autrefois, on mourait dans la rue de la peste, du choléra, de toutes ces maladies, et on ne meurt plus. On ne meurt plus grâce à nous. Alors, le journaliste se tourne vers moi et me dit, qu'est-ce que vous répondez à ça, Sylvie Simon? Je dis, mais je suis entièrement d'accord avec le professeur Saliou. Il peut même ajouter la fièvre scarlatine, on en mourait aussi, et c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, mais la seule chose dont il n'a pas parlé, c'est que ça n'a pas disparu par les vaccins, parce qu'il n'y a pas de vaccin, ni contre le choléra, ni contre la peste, ni contre la fièvre scarlatine. Alors il dit, oui, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis, écoutez, c'est ce que vous avez dit, monsieur le professeur. Alors moi, je l'ai envoyé, il dit, monsieur le professeur, il est tout content, il n'a pas vu que je me fichais de sa tête complètement. Donc il a continué à dire, oui non mais alors vous comprenez, je vais vous raconter, parce que de toute façon, et alors je l'avais tellement déstabilisé, parce que ces gens sont sur des rails, ils connaissent par cœur leur trajet sur des rails, mais dès que vous les sortez un peu des rails, c'est ce qu'il faut faire, ils sont fichus, ils savent plus. Alors il a commencé à dire, vous comprenez, il faut éradiquer les vaccins. Je suis d'accord. Non, je veux dire, il faut éradiquer la maladie. Et il a fait de lapsus, il y avait éradiqué, et puis il y avait, oui, et il ne faut pas, mais moi je suis d'accord avec Sylvie Simon, je ne suis pas pour la, il faut contraindre. Non, je voulais dire, il faut convaincre. De lapsus, tout le monde l'a même chose. Il a dit, oui, mais vous comprenez, je continue. Alors, je voyais qu'il était complètement déstabilisé, alors il a continué à nous faire l'apologie des vaccins et tout. Et puis, moi je voulais parler un petit peu justement du ROR, mais malheureusement, il y a eu des gens qui ont pris l'antenne, qui ont téléphoné, on les a reçus, et c'était deux personnes qui ont été, il y a une personne, une femme que je connais bien, qui a perdu son mari d'une sclérose latérale après la vaccination contre l'hépatite B. Et il y avait une femme qui est une infirmière qui est sur une chaise roulante à cause de l'hépatite B. Donc on a parlé de l'hépatite B. Et le professeur dit, oui, mais enfin madame, je compatis à votre malheur, mais vous êtes une exception. Alors évidemment, je suis de tout cœur avec vous, mais vous comprenez le bénéfice au risque, madame. Et de toute façon, il n'y a jamais eu d'accident chez les enfants. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie? Je dis, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec le professeur Saliou. Du tout, parce que moi j'ai les chiffres américains. Ah oui, mais l'Amérique, je dis oui, mais ce sont les mêmes vaccins. C'est la même fabrication, on est quand même des êtres humains, donc d'un pays à l'autre, c'est pareil. Et alors, je vais vous donner les chiffres des accidents. Alors, d'abord, je vous signale que le journal JAMA, qui est quand même le Journal of American Science, quand même, ou Medical Association, et le journal, et un autre journal anglais, très important, et je citais, on dit tous les deux que les déclarations aux États-Unis représentaient 1% de la vérité. Donc, c'est déjà beaucoup. Et même avec ce 1%, il y a eu, en 3 ans, 600 bébés qui sont morts après le vaccin de l'hépatite B, et il y a eu, plusieurs dizaines de milliers d'accidents. Alors ne dites pas que les enfants ne sont pas touchés, je vous cite des enfants de moins de 6 ans. D'où sortez-vous ces chiffres? Je dis, mais c'est la pharmacovigilance américaine, au cas où vous ne connaîtriez pas, ça s'appelle le VAERS. J'ai jamais entendu parler. Je dis, mais écoutez, c'est fâcheux quand même, parce que de la part de quelqu'un qui gère, qui fait partie du comité des vaccinations, il devrait le savoir. Il ne savait pas. Oui, mais enfin, vous comprenez, madame, qu'est-ce que vous appelez des hospitalisations? Parce que les accidents, c'était des gens hospitalisés. Et bien, je lui dis, c'est quand même un enfant qu'on amène à l'hôpital d'urgence après une vaccination, c'est grave. Elle me dit, oui, mais on peut discuter de la gravité de la vaccination. Je lui dis, bon, mais admettons qu'on discute. Mais les morts, monsieur le professeur, ils sont morts, et ça, vous ne pouvez pas discuter de la gravité de la mort. Et on a arrêté l'émission là-dessus. Alors, il a arrêté, il a dit, je n'étais pas venu. Et ça, je croyais que ça ne s'entendait pas. C'était hors antenne, et en vérité, on l'a entendu à l'antenne, on me l'a dit après. Je n'étais pas venu pour me faire agresser. Et j'ai répondu, mais monsieur le professeur, je ne vous ai pas agressé. Je n'ai fait que corriger vos affirmations mensongères. Erronées. Il m'a même pas dit au revoir. Ils sont mauvais joueurs en plus, mauvais perdants. Il m'a même pas dit au revoir. Et puis voilà. Et là, vous voyez qui nous dirige. Hein. Vous voyez à quel point nous en sommes de la bêtise. Et ça, je pourrais vous raconter des histoires pendant des journées de jours. Chaque fois que je rencontre des grands spécialistes, plus ils sont grands, plus ils sont ignorants. Et c'est triste. La journaliste scientifique nous passionne. La femme comédienne nous subjugue. Et malheureusement, l'heure tourne. Et nous devons nous quitter. Je vous dis merci. Eh bien, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour tous. C'était un plaisir pour moi aussi. Au revoir. Au revoir.